À la deuxième trompette, on vit la mer devenir sang. Et voyez, le sang a été répandu. La prophétie de l'Apocalypse. Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Apocalypse, l'émission d'actualité métal proposée par Hands Up et également diffusée sur la radio Graphite, que je remercie au passage. Pour commencer, on va tout de suite s'écouter un album qui a fait pas mal de bruit. Je viens de me le procurer, donc j'avais pas pu en parler avant, mais il a secoué pas mal de rédactions webzine sur internet. J'ai lu que des bonnes chroniques en fait de cet album. C'est le dernier Cowards, Rise to Infamy. Cowards qui est un groupe de hardcore sludgeisant, vraiment crado, qui vient de Paris et qui donc sort son, alors je sais pas, j'ai pas exactement compris si c'était le deuxième album ou le premier album qui fait suite à deux EP, parce que leurs EP sont assez longs, donc je sais pas s'ils qualifient ça d'album ou d'EP. Bref, le morceau que je vous propose, c'est Birth of the Sadistic Son, qui est un des plus violents de l'album, des plus réussis en tout cas. Il est vraiment un putain de concentré de haine, j'adore ça. Ils sont en tournée européenne, ils vont passer un peu partout en France tout début mars, là, ces jours-ci. Je vous invite à regarder l'agenda Hands Up, vous trouverez les dates de Cowards si ça vous intéresse. Ils ont également sorti en clip assez récemment, et ce que j'aime bien, c'est sur la fin de ce morceau, c'est les Larsen. Moi j'aime beaucoup laisser les Larsen dans l'émission. Je sais pas si vous avez déjà, si vous écoutez régulièrement, si vous le faites, vous remarquerez que quand il y a des Larsen en fin de morceau, je les laisse toujours et ça me plaît beaucoup. Et donc là, vous allez vous en prendre plein les oreilles, c'est un bon gros concentré de bruitisme assez abouti. Donc tout de suite, on s'écoute Birth of the Sadistic Son de Cowards, extrait de leur dernier album en date, Rise to Infamy. C'est parti, et c'est dans Apocalypse. Bonne écoute. We'll be right back. Thank you. À l'instant, dans vos petites oreilles, c'était du doom psychédélique italien sous le nom de Bleeding Eyes, donc qui est un groupe qui officie depuis quelques années, qui a déjà sorti 5 albums. Le morceau s'appelait Demon Haze et c'est extrait de leur dernière album date qui s'appelle Gami, G-A-2-M-Y, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Donc il est sorti toute fin 2014 et c'est un bon album avec bon, quelques morceaux un peu dispensables, notamment un morceau instrumental au milieu qui apporte pas grand chose de super intéressant. Par contre, ce qui est surprenant et pour le coup intéressant, c'est que le chanteur chante, émet des sons, dit des paroles, à la fois en italien et en anglais. Enfin, certes, sur certains morceaux en italien, sur d'autres en anglais. Et du coup, ça crée deux techniques de chant assez différentes, parce qu'en italien, c'est assez déclamatoire, alors qu'en anglais, c'est quelque chose de plus commun, et c'est assez intéressant, cette différence entre l'utilisation de la voix faite à travers deux langues différentes. On sent que, du coup, l'approche est réellement différente, donc c'est assez marrant à écouter, à constater que le même chanteur, juste en changeant de langue, change de façon de chanter. C'est assez étrange et assez intéressant à noter. Sinon, ce qui est pas mal sur l'album, ce qui est très bon, l'album est bon, je ne vous le cache pas, je l'aime bien. Les guitares sont agréables, il y a un beau travail sur certains passages, là, notamment à la fin du morceau que je viens de vous passer. Il y a une bonne ambiance qui est apportée par les guitares, et il y a également un type qui est responsable de tout ce qui est un peu noisy, qui traîne sur ce morceau. C'est pas forcément là où c'est le plus visible, mais sur d'autres on sent bien qu'il y a un espèce de grain derrière qui fait du bordel, et ça c'est assez intéressant. Si vous avez aimé ce morceau, je vous invite à découvrir l'album, il est en écoute intégrale sur SoundCloud, donc voilà, si ça vous a plu, allez-y, et on va enchaîner tout de suite avec quelque chose de radicalement différent. Et cette chose radicalement différente, c'est notre découverte de la semaine. Une de nos découvertes de la semaine, puisqu'il y en aura exceptionnellement deux cette semaine. Vous avez un petit peu de rab à vous fournir. Donc la première, ça s'appelle Fractal Universe, et c'est du Death Technique qui vient de France. Et c'est dans une ambiance un peu, une approche un peu à la Obscura, avec cette basse délirante qui, vous allez voir, qui fait souvent des lignes assez folles en arrière-plan. On ne s'en lasse pas du tout. Et puis aussi forcément des cellules rythmiques assez folles sur la batterie. On retrouve des plans qui, d'un coup, on tourne complètement la rythmique. Et aussi, j'aime bien les guitares assez qui laissent traîner des notes sans qu'on comprenne vraiment d'où elles viennent. Enfin, la technique assez obscurienne, si je puis me permettre, qui rend vraiment bien. Donc ça, c'est le morceau que je vous propose, Mourning the Loss of a Dim Glance. C'est le morceau qui ouvre l'album, donc vous avez le droit à une petite intro symphonique qui place la chose dans son contexte. L'EP s'appelle Boundaries of Reality et il est sorti tout récemment. Et ils seront en concert en première partie de The Black Dahlia Murder, donc le groupe Fractal Universe, je rappelle le nom, le 19 juillet prochain. Il y aura également Deep in Hate qui sera de la partie. Donc voilà, on s'écoute ça tout de suite, c'est notre première découverte de la semaine, on enchaîne avec la deuxième que je vous présenterai juste après. Thank you. We'll be right back. Voilà, c'était notre deuxième découverte de la semaine. Donc découverte de la semaine, pour rappel, c'est une rubrique consacrée aux groupes qui sortent en premier EP ou premier album. Et donc c'était le groupe Ophidian Coil avec le morceau Inns of Deflesh, extrait de son premier EP Denial Will Be Coming, qui est sorti tout récemment. C'est donc du black metal, comme vous avez pu l'entendre, qui nous vient de Serbie et qui a une approche qui mélange d'un côté ce que j'appellerais le style Watain, avec ses mélodies assez froides qui habitent un petit peu et qui habillent tout l'EP. Et toi, de passage vraiment brutaux qui me font plus penser à Marduk, surtout que la voix, bien qu'elle soit moins personnelle et moins aussi excellente que celle de Mortus, j'en reparlerai un peu plus tard, puisque petite débrief du concert de Marduk qui vient juste après. Donc voilà, cette alternance de mélodie et de brutalité, le tout desservi par un très très bon son. Des fois dans le black metal, les premières productions, on se retrouve avec des trucs assez cracra, même dans des choses plus loin. Enfin, pas les premières productions, je pense au Darkthrone par exemple, qui a passé toute sa carrière à faire du son toujours plus raclé. Mais là, ouais, c'est une partie prise. Mais là, pour le coup, du coup, ils ont réussi à faire un son à la fois violent et précis, et c'est super agréable pour un premier EP. Si ça vous a plu, je vous invite à découvrir la chose en entier, il est plutôt réussi. Le groupe dont je vais vous parler maintenant n'a pas d'actualité à proprement parler, mais c'est quelque chose que j'ai envie de vous découvrir. Par contre, un de ses membres a une grosse actualité qui fait bouger la sphère métal sur le net. C'est évidemment Mike Patton avec son projet Faith No More, qui va sortir un nouvel album. Il y a un single qui est sorti hier, Super Hero, donc je vous invite à découvrir ça dans les news de Hands Up. Vous le trouverez facilement, mais le projet dont je vais vous parler donc n'a pas d'actualité précise. Je sais même pas s'il est encore projeté qu'il se passe d'autres choses de ce côté-là. C'est le truc complètement taré qu'il a fait avec le saxophoniste John Zorn, qui lui aussi bosse, qui est un musicien hors pair, qui a sa discographie sur sa page Wikipédia est juste effrayante, quoi, d'y avoir, mais 70 ou 80 albums, le type, c'est une putain de bête, quoi. Et donc ce projet Naked City, c'est en gros une espèce de free jazz, mais complètement taré. Avec Mike Patton, donc il pousse des borgorigmes dont il a le secret. Je crois que j'ai prononcé ce mot n'importe comment, mais je vais le garder comme ça. Dont il a le secret, voilà, des cris complètement hallucinés. Enfin, il est fou ce type. Et donc le tout mis en place avec le saxophone qui lui aussi sort des sons, mais complètement hallucinants, genre des trucs suraigus. Bah, du coup, des fois, on n'arrive même plus à savoir si le son qu'on entend vient de la voix ou du saxophone, tellement c'est complètement barré. Et en plus, donc, déjà avec tout ce bordel, voilà. Mais le truc, c'est qu'ils changent leur structure rythmique toutes les 3 secondes. Écoutez un album en entier de Naked City, c'est une putain de performance, quoi. Ça s'écoute, c'est vraiment à toute petite dose, sinon on devient fou, quoi. Il y a vraiment un morceau où ils changent complètement d'ambiance toutes les 2 secondes. Laissez-moi réfléchir. Enfin bref, le morceau que je vous propose, c'est Osaka Bondage, et c'est extrait de l'album Grand Guignol. A savoir aussi que, pour la petite histoire, un morceau de Naked City, je me souviens plus le titre du morceau en question, avait fait, était présent sur la BO du film Funny Games de Michael Haneke, film assez traumatisant que je vous invite à regarder si vous ne le connaissez pas déjà, et où du coup le morceau de Naked City a quand même un rôle assez important, puisque c'est... Bon, enfin bref, je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça si le sujet vous intéresse. Donc tout de suite, on s'écoute ce petit morceau qui durera à peine 1 minute 17. C'est aussi une des caractéristiques du groupe. Sur certains albums, encore une fois, ils ont fait des trucs vraiment ultra barrés où les morceaux durent 10 minutes, il se passe rien, t'as juste un ding toutes les 3 secondes. Là, sur l'album Grand Guignol, c'est des morceaux très très courts qui te foutent le cerveau en miettes, mais vraiment en miettes. Et donc voilà, ça s'écoute à dose vraiment minuscule, homéopathique, quoi. En album en entier, c'est de la torture presque. Donc voilà, je vous laisse avec ça, amusez-vous bien. Osaka Bondage de Naked City, extrait de l'album Grand Guignol, avec donc Mike Patton et John Zorn en architecte de la folie. Yeah! Je vous disais un peu plus tôt que j'allais vous parler de Marduk, voilà, c'est maintenant le cas, puisque ce morceau c'était The Leveling Dust, extrait de l'album Rome 5-12, qui était sorti en 2007 ou 6-7. Et donc Marduk était en concert vendredi dernier au Divan du Monde à Paris le 27, et c'était une pure tuerie. Il y avait, le concert commençait vachement tôt, il y avait 4 groupes, donc The Negation, groupe français de black metal, qui avait un son assez moyen en live, je sais pas ce que ça donne sur l'album, j'ai pas trop le temps d'écouter. J'ai découvert ça sur place, donc du coup j'ai pas pu en profiter autant que j'aurais aimé. Ensuite il y avait The Beast of Flesh qui m'a plu mais sans me transcender non plus. Belphégor, donc j'avais présenté un petit peu leur dernier album Conjuring the Dead il y a quelques émissions. Qui bah, donc fait du Belphégor, ce gros Death Black sans concession. Un peu trop clinique pour mes oreilles qui aiment bien les choses un peu cracra. Ça doit être l'effet Nuclear Blast qui veut ça. Et puis il y avait Marduk. Alors à Marduk, c'était la guerre totale. Avec donc le dernier album French Vine qui est excellent, les titres ressortent très très bien en live. Il y avait Africa avec lequel ils ont retourné la selle, mais aussi The Blonde Beast, morceau assez surprenant avec un tempo assez posé et puis cette espèce de contre-temps au charlet qui rend un peu dansant avec un groove bizarre. C'était vraiment sympa à voir en live. Et puis sinon bah, une avalanche d'obus et de blasts dans tous les sens, enfin vraiment grosse tuerie. Les mecs sont ultra précis, ultra carrés en live. C'est juste parfait, et évidemment, encore une fois, je vais m'extasier devant lui, mais Mortuus, ce type est un putain une putain de bête vivante, quoi. Il devait faire de la scène, en fait, il devait faire partie d'un groupe, c'était son destin. Le pauvre avait pas le choix à la naissance, mais voilà, il fallait qu'il fasse du black metal et qu'il chante comme un damné. C'était voilà, il avait pas d'autre alternative dans la vie. J'espère que ça lui plaît au moins ce qu'il fait. De toute façon, il avait pas le choix, il avait la voix et le physique pour. Tant pis pour lui, tant mieux pour nous. Tant mieux pour lui si ça lui plaît. Bref, je m'arrête là et on va passer à la suite. Et la suite, c'est pour vous parler d'un concert qui va venir et auquel j'aurais bien aimé assister, mais vraiment, mais il est complet. Je n'avais pas du tout imaginé qu'il serait complet aussitôt. Ça aura lieu le 5 mars prochain à La Cigale et c'est Devin Townsend. Je vous parlais déjà la semaine dernière un petit peu de ce concert en vous présentant Shining. Donc cette fois, on va présenter Shining et vous présenter Devin Townsend. Je sais pas si c'est vraiment utile, mais en s'en écoutant un petit peu. Donc tout de suite, je vais vous passer Rejoice, extrait de son dernier album en date, Z2. Et c'était sur la première partie, donc le passage vraiment Devin Townsend Project, alors que l'autre concerne plus Ziltoid. Et donc ouais, voilà, album pas mal, même si j'ai préféré la partie Ziltoid à celle-ci qui m'a semblé parfois un peu trop gentillette, sans vouloir que ce soit vraiment péjoratif, mais voilà, il y a quelque chose qui a pas marché complètement dans mes oreilles pour apprécier pleinement cet album. Je n'ai pas encore réussi à définir quoi, même si je l'écoute assez régulièrement. En tout cas, le morceau c'est Rejoice avec cette mélodie qui se mémorise instantanément au chant de Anneke van Grinsenberg. J'ai jamais réussi à prononcer son nom correctement. Et donc voilà, Devin Townsend en concert, je pense que c'est parfait. Shining, je vous le dis d'office, c'est parfait. Et il y aura également Periphery dans le tas que je connais un petit peu moins, mais je pense qu'en live ça peut être très très sympa à voir. Donc c'est le 5 mars à La Cigale, si vous n'avez pas votre place, vous l'avez comme moi, c'est-à-dire dans le cul. Pour les autres, amusez-vous bien. We'll be right back. Hardcore. J'aime bien le hardcore et j'aime de plus en plus le hardcore. Petit à petit, je m'ouvre à ce style. Là, c'était Terror avec le morceau Lost, extrait de l'album Always the Hard Way. Et Terror sera en concert au Petit Bain en compagnie de Nails le 12 mars prochain. Antup vous fait d'ailleurs gagner deux fois une place. Vous trouverez ça dans la section concours si ça vous intéresse. Ils convergent aussi en plus de concerts une nouvelle actualité. Ils vont sortir un nouvel album en 2015 qui s'appellera The 25th Hour et qui sortira en 2015 sans que je connaisse la date précise. Je sais pas si elle est connue. En tout cas, ils étaient en studio aux alentours du 6 janvier. Donc c'est que l'album arrivera assez bientôt. Et on va terminer cette émission avec encore un petit peu de hardcore, mais cette fois du hardcore assez différent de ce que fait Terror, qui est donc le hardcore classique. Là, c'est du hardcore un peu que je qualifierais de progressif avec Housebound. Le morceau, c'est ICMB. C'est extrait de leur dernier album en date, Schadenfreude, qui est sorti en 2013. Et qui est donc sur un album très très cool. Et surtout, il a apporté quelque chose, notamment sur ce morceau. C'est le morceau le plus long de l'album et c'est là où c'est le plus visible. Une espèce d'approche un peu à la Tool, avec les côtés tribaux, enfin les rythmiques tribales, le chant qui parfois rappelle un peu celui de Ménière. Et également du coup cette longueur de morceau, mais avec des passages de pur hardcore où là c'est la bonne castagne qui va bien, tout en restant assez inventif au niveau des rythmiques et des structures. Donc voilà, album très intéressant, Schadenfreude, si vous ne l'avez pas encore écouté, il était sorti en 2013. Et du coup, pour ceux qui habitent dans le coin de Strasbourg, Housebound sera en concert du coup au Med Club le 4 avril, c'est-à-dire demain, le 4 mars, pardon, c'est-à-dire demain. Pour ceux qui habitent dans le coin et qui écoutent ça et qui n'étaient pas encore au courant, allez-y, je pense que vous y passerez un très bon moment. Je les ai vus il y a quelques années, Housebound en concert, et c'était plutôt stylé. Bonne baston en fosse, et musicalement, ça tient carrément la route. Du coup, je vais vous quitter avec ce dernier morceau, je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et écoutez des bonnes choses. Salut et bonne semaine à tous.